إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours numéro 3 dans le livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et c'est l'explication du livre du Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman. Il a écrit ce livre dans lequel il clarifie les principes qui ont rapport avec les questions de divergence, et il explique et clarifie en même temps le manhaj des salafs, c'est quoi la position des salafs et c'est quoi leur manhaj vis-à-vis de ces divergences-là, en catégorisant les différentes catégories de divergences et puis les différents sujets dans lesquels on peut diverger, et ainsi de suite. Et on a eu le cours passé une introduction, des principes pour introduire le sujet, pour essayer de comprendre parfois qu'est-ce que peuvent être les différentes causes de la divergence. On a expliqué les termes qu'on pouvait utiliser pouvaient être des causes de divergence. Là, on va rentrer aujourd'hui dans d'autres aspects, d'autres principes, d'autres points qui ont rapport avec la divergence aussi. Et en même temps, ce livre-là, c'est en particulier une réfutation de la règle des Ikhwan qui dit qu'on doit coopérer et travailler ensemble dans ce sur quoi on est d'accord, et on doit s'excuser lorsqu'on est en divergence. Et donc, en même temps, c'est une critique, une analyse de ce principe-là et de cette règle-là des Ikhwan, et une réfutation en même temps de ce qui est faux dans cette expression-là et dans ce principe. Donc, le cours numéro 3, le premier chapitre ou le premier point qu'on explique dans ce cours aujourd'hui, c'est Al-Khilaf Amrun Kauni. Al-Khilaf Amrun Kauni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la divergence, c'est quelque chose qui est kauni. Et quand on dit kauni, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et ça fait en sorte que la divergence existe parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et c'est selon sa volonté que ça se produit. D'accord? Et on sait que quand on parle d'une chose kauni, c'est par opposition à qu'est-ce qui est shar'i, c'est-à-dire par opposition à qu'est-ce qui est révélé. Et on va voir l'explication du cheikh à ce sujet-là, parce que il y a une certaine ambiguïté au sujet de cette idée ou de ce principe, que des gens mélangent entre qu'est-ce qui est kauni et shar'i, et ils utilisent ça pour manipuler les gens ou pour tromper les gens, leur faire accepter des choses qui sont inacceptables. D'après la révélation, ils essaient de mettre en opposition qu'est-ce qui est kauni et shar'i, et jouer avec les gens comme ça. Donc on va voir le cheikh comment il explique ce principe-là. Il dit: وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَضَى كَوْنًا وَأَرَادَ الْإِخْتِلَافِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وكما قال عليه السلام ستفترق أمتي على 73 فرقة وبعض الجهال يستدل بهذه الأدلة على وجوب التسليم والإذعان للاختلاف لأن الله أراده وهذا يلتبس على من لا يفرق بين ما أراده الله وقضاه كونا وما أراده وقضاه شرعا فالخلاف مما قضاه الله وأراده كونا لحكمة بالغة حتى يتميز المتبع من المبتدع ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان فالخلاف كالكفر باعتبار إرادة الله له كونا فالله لا يحبه ولكنه سبحانه شاءه وأراده إرادة كونية قدرية. Donc pour expliquer cette première partie, le cheikh il dit il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il a décrété l'existence de la divergence et il l'a voulu également. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 118 et 119 dans sourate Hud وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. C'est-à-dire, ils demeureront toujours divergents, excepté مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Ça veut dire, excepté celui à qui Allah a voulu la miséricorde. Donc, ceux à qui Allah a voulu la miséricorde, eux, ils ne vont pas diverger. Mais les autres, hein, ils vont demeurer dans la divergence, ils vont continuer à diverger entre eux. Ensuite, le cheikh il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et ceux qui vivront après moi verront beaucoup de divergences. » فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَسَتَفْتَلِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ. Et cette umma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette umma se divisera en 73 sectes ou en 73 groupes. Donc, certains ignorants, certaines personnes ignorantes essaient d'utiliser ces preuves et ces textes comme preuves pour dire qu'il faut se soumettre et accepter la divergence et respecter les divergences et que c'est par la volonté d'Allah que ces divergences-là se produisent. Hein? Comme on a entendu même dans certaines conférences que Tariq Ramadan avait données, il disait par exemple que la divergence entre les religions, c'est quelque chose qu'Allah a voulu, hein? C'est quelque chose qui fait partie de la volonté d'Allah, et donc il faut respecter la divergence, respecter les chrétiens, respecter les juifs, respecter leur religion, parce que c'est par la volonté de Dieu qu'il y a la divergence. Hein? Et le cheikh il dit وَهَذَا يَلْتَبِسُ عَلَى مَنْ لَا يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا أَرَادَهُ وَقَضَاهُ كَوْنًا وَمَا أَرَادَهُ وَقَضَاهُ شَرْعًا. Et ça c'est quelque chose qui mélange certaines personnes qui ne font pas de distinction entre ce que Allah a voulu et décrété dans la création et ce que Allah a voulu et décrété par la révélation. Il y a une différence entre les deux et ces gens-là ne font pas la distinction entre ces deux choses-là. D'accord? Alors qu'il y a une grande différence. Par exemple, comme le cheikh il le dit, si le khilaf qui est basé, qui a été décrété, arrive, il se produit dans la création pour une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et c'est une sagesse qui est parfaite. Hein, parce qu'on connaît on sait que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose et a voulu quelque chose dans sa création, hein, ça fait partie de la prédestination et ça fait partie de son décret. Et si c'est quelque chose qui nous semble mal à nous, par rapport à nous, on sait que pour Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est pas un mal. Même si pour nous ça paraît être un mal parce que notre vision et notre compréhension est limitée des choses, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala lui, il agit et il fait tout ce qu'il fait par sagesse, hein, et sa sagesse elle est parfaite, et donc ça veut dire que il a permis que certaines choses se produisent dans l'univers qui sont contraires à la révélation, c'est-à-dire qui sont interdites, comme par exemple le kufr, le shirk, hein, les divergences dans la religion et d'autres choses de ce genre. Ces choses-là existent, hein, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la création et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il a envoyé des livres et des messagers pour nous enseigner ce qu'il nous ordonnait de faire et qu'est-ce qu'il aimait, hein, et parmi ce qu'il a révélé dans les livres et dans les paroles des prophètes, il nous a informé qu'il détestait la divergence et il nous a fait savoir qu'il nous interdisait de nous diverger, de nous diviser et de diverger entre nous, et que nous devions être unis sur la vérité et ne pas nous diviser et ne pas diverger entre nous, hein, dans des divergences dans la religion. Et donc ça veut dire que on peut pas utiliser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création comme une preuve pour opposer la révélation, hein. Et donc si quelqu'un voulait par exemple essayer de dire bon, on a le droit de diverger, ou bien il faut respecter la divergence et être satisfait de toute divergence parce que c'est quelque chose qui se produit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on pourrait lui dire, si c'est dans ce cas-là, si vous prétendez une chose pareille, c'est absurde, parce que ça voudrait dire qu'il faut aussi accepter et respecter Iblis, et respecter le kufr, et respecter le shirk, et respecter l'égarement et l'ignorance, et le mal et le péché, et tout ce qui est haram. Parce que toutes ces choses-là ne peuvent se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien entendu, c'est une mauvaise compréhension qu'ils ont, une mauvaise compréhension de qu'est-ce qui a rapport avec le qadar et qu'est-ce qui a rapport avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme on a expliqué, il y a une différence entre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qu'est-ce qu'il permet de se produire dans l'univers, et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fait connaître par sa révélation. Qu'est-ce qui se produit dans l'univers? C'est par la volonté d'Allah, ça c'est certain, mais il se peut qu'il permette que des choses se produisent, certaines qu'il aime et certaines autres qu'il n'aime pas. Tandis que la volonté que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître dans sa révélation, dans le Coran et dans la Sunna, alors cette volonté-là qu'il nous a révélée, c'est uniquement ce qu'il aime de nous. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on doit se baser lorsqu'on veut savoir par exemple qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et lorsqu'on constate dans la création des choses qui sont différentes, on doit ramener toutes ces choses-là à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger et distinguer entre ces choses, pour savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont correctes, lesquelles sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et lesquelles sont détestables et lesquelles sont à rejeter, hein, et lesquelles sont à réprimander et renier. Et donc on ne peut pas respecter n'importe quelle chose, il faut respecter ce que Allah nous ordonne d'aimer et nous ordonne de respecter et suivre, tandis que les choses qui sont en contradiction avec sa révélation et qu'il n'aime pas, et bien celles-là on n'a pas à les suivre et à les respecter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il l'explique ici, il a permis que les divergences se produisent, comme il a expliqué, pour distinguer, en fait, pour arriver à faire la distinction entre celui qui va suivre la révélation et celui qui va suivre des bid'ahs et qui va suivre les égarements, hein, pour faire une distinction entre les deux, pour qu'il y ait un test, pour qu'il y ait une épreuve. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé ces créatures-là et n'avait pas créé ces choses-là, hein, il n'y aurait pas eu d'épreuve, il n'y aurait pas eu de test. Et donc c'est nécessaire qu'il y ait ceux qui défendent la vérité et ceux qui défendent le mensonge, pour que entre ces deux-là, il y ait une lutte qui se produise, et que la personne qui suit la vérité, qui suit la sunna, soit capable d'établir la preuve et la clarification contre celui qui suit l'égarement, hein, pour pouvoir justement montrer aux gens clairement la vérité et leur faire comprendre comme il faut la vérité. Cheikh, il dit ensuite que s'il y a une divergence qui implique un kufr, hein, dans le sens que parfois des gens divergent sur des choses qui font partie des fondements de la religion, comme par exemple de diverger sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de diverger sur le tawhid, ou sur des fondements du tawhid, ou des choses comme ça. Les gens qui divergent sur ces questions-là se divisent en deux catégories, ceux qui sont mu'minines et ceux qui sont kuffar, hein, ceux qui font le shirk et ceux qui tombent, qui ne tombent pas dans le shirk et qui restent sur le tawhid. Donc, si des gens divergent au sujet de ces principes fondamentaux-là, donc ça veut dire que c'est une divergence qui implique qu'un des deux groupes soit dans le kufr. Et le shaykh, il dit que si on analyse ça sur le point de vue que ça se produit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on doit savoir que cette divergence-là, Allah ne l'aime pas. Mais il l'a voulu, hein, par sa volonté, qui est sa volonté dans sa création et qui est dans sa prédestination. Hein, et qu'il l'a prédestiné et décrété pour une sagesse. Hein. Il n'a pas voulu le coffre en lui-même, il a voulu le coffre pour une sagesse, hein, pour quelque chose d'autre qui est bon. Hein, et non pas pour le coffre en lui-même. Et ça, c'est quelque chose que certaines personnes ont manqué ou n'ont pas compris comme il faut, souvent parce qu'ils font partie des gens qui n'ont pas une aqidah qui est en accord avec la aqidah des salafs. Et donc, à cause de ça, ils ont nié certaines attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas distingué entre cette volonté qui est kauniya et cette volonté qui est shar'iyya. Comme les Asha'ira par exemple, ils ne distinguent pas entre ces deux formes de volonté. Hein. Et c'est pour ça qu'ils pensent que tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit le kufr ou l'iman ou le shirk ou le tawhid ou bien les péchés et tout, ils pensent que tout ça, Allah l'aime. Parce qu'il nie l'attribut de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il interprète l'attribut de l'amour par la volonté. Et donc pour eux, quand Allah dit qu'il aime, ça veut dire qu'il veut, qu'ils disent qu'il veut faire une grâce à cette personne-là. Mais il l'interprète pas par l'amour elle-même, il l'interprète par la volonté. Donc quand ils arrivent dans des situations pareilles, ils sont confus à ce sujet-là. Après, le cheikh, il mentionne les paroles de Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm, dans son livre Al-Ihkam, fi Usul Al-Ihkam, il dit: وَقَدْ نَصَّ تَعَالَى عَلَىٰ أَنَّ الْإِخْتِلَافِ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ وَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَرْضَى بِهِ وَإِنَّمَا أَرَادَهُ تَعَالَى إِرَادَةَ كَوْنٍ كَمَا أَرَادَ كَوْنَ الْكُفْرِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي. Donc, le cheikh, il cite cette parole dans le livre de Ibn Hazm qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les textes que la divergence n'est pas de lui. Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala n'en est pas satisfait. C'est-à-dire, il n'est pas satisfait de la divergence. Mais il l'a uniquement voulu dans sa volonté dans la création. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a créé? Mais il l'a uniquement voulu par sa volonté qui est kauniya dans la création. Qu'est-ce qu'il a permis de se produire dans la création? Et c'est de la même façon où le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu cette divergence-là, c'est comparable au fait qu'il ait voulu aussi la mécréance et les autres péchés aussi. Donc, on ne doit pas respecter ou aimer la divergence de la même façon qu'on ne doit pas respecter ou aimer ou être satisfait de différents péchés qui se produisent dans l'univers ou dans la création parmi les hommes. Donc ça, c'est la citation de Ibn Hazm. Ensuite, le cheikh, il dit: فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرْضَى بِالْكُفْرِ فكذلك لا ينبغي أن لا يرضى فكذلك ينبغي أن لا يرضى بالخلاف. وهذا الخلاف لا يختص بأهل السنة والمبتدعة، بل حتى أهل السنة لا بد أن يقع بينهم تنازع واختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع، ولكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة، كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. Donc, le cheikh explique ici, il dit que, donc comme on a dit, la divergence, hein, il dit comme il n'est pas permis pour le musulman d'être satisfait du kufr, de la même façon qu'il n'est pas permis pour lui et il ne doit pas être satisfait de la divergence. Et ça, c'est la réponse à cette mauvaise compréhension de certains individus comme Tariq Ramadan et d'autres qui essayaient de faire croire aux musulmans que on doit accepter les différences et les divergences et la diversité, soi-disant, et que ça, ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il essaie de citer certains versets justement pour essayer de justifier ça, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et que s'il n'aurait pas voulu, ces choses-là ne se seraient pas produites. Oui, ça c'est vrai, mais le but de ces versets-là, ce n'est pas de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces choses-là, et ce n'est pas pour dire que les musulmans doivent être satisfaits et respecter ces choses-là. Plutôt, ça signifie qu'on ne doit pas trop s'en faire, hein, et trop être, disons, se morfondre et s'attrister du fait que ces gens-là sont dans la mécréance ou dans l'égarement, puisque c'est quelque chose qui se produit par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa science et par sa justice aussi, hein. Et donc on doit savoir que ça fait partie de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a fait en sorte qu'il y ait des gens qui méritent l'égarement et des gens qui méritent la guidance, et tout ça c'est dans sa sagesse et dans sa connaissance infinie, et c'est pour en fait ramener les croyants à mettre leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont besoin de guidance, et de pas s'en remettre juste à eux-mêmes et penser que la guidance vient d'eux-mêmes et que c'est eux-mêmes qui contrôlent le fait qu'ils soient bien guidés ou non. Il faut se rappeler toujours que si on est guidé, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on doit s'en retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et mettre notre espoir et notre crainte en Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour être guidé. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider. Donc ça veut dire, si tu veux être guidé, mets ton espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger contre l'égarement, hein, et cherche la guidance et fais les efforts. Donc c'est ce que ça signifie en réalité. Et le cheikh, il dit ensuite, les divergences dont on est en train de parler, on parlait des divergences entre Ahlus Sunnah et les gens de Bid'ah, ou entre les musulmans et les kuffars, mais il y a aussi même des catégories de divergences qui peuvent même se produire entre les gens qui sont sur la Sunnah, entre Ahlus Sunnah, entre eux. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne dans le volume 4 de Majmu' al-Fatawa, à la page 167, Ibn Taymiyyah explique qu'il faut absolument qu'il y ait entre les gens qui appartiennent à, ou qui disent qu'ils font partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il faut quand même qu'il y ait certaines divergences ou certaines disputes qui se produisent parfois entre eux. Ça c'est quelque chose qui arrive toujours, hein, c'est quelque chose qui va toujours arriver, des petites divergences comme ça entre eux. Mais il faut qu'il y ait parmi ces gens-là qui se disent ou qui appartiennent à Ahlus Sunnah wal Jama'a, il faut toujours qu'il y ait une partie d'entre eux qui s'accroche au Coran et à la Sunna à toutes les époques. Comme il est nécessaire également qu'il y ait des divergences et des différences et des disputes entre les musulmans parfois. Mais parmi les groupes, parmi ces gens-là, il y aura toujours des musulmans qui vont rester fermes et droits et sur la vérité. Et ceux qui s'opposent à eux ne pourront pas leur nuire. De même que ceux qui les abandonnent également. Hein? Parce que face à la vérité, il y a souvent deux possibilités ou deux attitudes de la part de certaines personnes. Quand la vérité arrive, qu'il y a des problèmes, des conflits, des divergences, il y a ceux qui opposent les gens de la vérité, et à ceux qui sont au début avec les gens de la vérité, Puis quand il y a l'épreuve qui arrive, qui tombe sur eux, eh bien, ils s'en détournent, ou bien ils s'écartent. Ils abandonnent les gens qui sont sur la vérité. Soit parce qu'ils ont peur, ou soit parce qu'ils ont une forme d'hypocrisie en eux, et ils montraient quelque chose qu'ils n'avaient pas réellement à l'intérieur d'eux-mêmes, et ainsi de suite. Et donc, il y aura toujours un groupe de la Ummah qui va être sur la vérité. À toutes les époques, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un groupe, une partie des musulmans qui sera et qui restera sur l'islam, sur la sunna, sur la vérité, et qui ne vont pas diverger. Et bien entendu, comme on a dit, c'est pas un groupe nécessairement qui sont dans un pays en particulier, ils peuvent être en différents endroits, mais il y aura toujours une partie de la Umma qui va rester sur le haqq. Ensuite, le Cheikh il explique maintenant, ça c'est la fin de cette partie, ou de ce thème dont on a parlé, c'est Al-Khilaf Amrun Kauni, ça on a expliqué ce que ça signifie. Donc, pour résumer tout ça, ça veut dire que s'il y a des divergences, c'est vrai que Allah, ces divergences-là, il les a voulues. Mais il les a voulues pour nous tester. Il ne les a pas voulues pour qu'on se dise à soi-même, si les divergences existent, donc il faut les accepter, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. Hein, comme ceux qui appellent, par exemple, Yanni, au pluralisme, puis de dire qu'il faut accepter le multipartisme, puis le pluralisme, puis la diversité, puis les divergences, puis que tout ça c'est bon, puis il faut qu'il y ait des différences entre les gens, hein, puis même ils vont diverger sur les fondements de la religion, puis pour eux c'est comme c'est pas grave, hein, c'est pas important, on peut s'unir avec tout le monde, peu importe qui ils sont. Du moment qu'ils disent qu'ils sont musulmans, ou même parfois du moment qu'ils disent qu'ils croient en un Dieu, hein, donc ça y est, on peut s'unir avec eux, travailler avec eux, et coopérer avec eux. Donc dans ce cas-là, vraiment, quand tu vas coopérer avec des gens comme ça, sur des principes pareils, eh bien, c'est sûr que ta da'wah, elle va être nulle. Sinon, elle va être faible ou bien elle va être nulle, à zéro complètement. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas parler de quelque chose, si tu as une vérité à dire, tu vas te retenir de la dire, tu vas te retenir de critiquer les gens qui sont dans l'égarement, qui sont avec toi, qui coopèrent avec toi, pour éviter de les blesser, ou pour éviter de les déranger. Donc tu vas te taire sur la vérité, tu vas pas dénoncer le shirk, ou le kufr, ou les bid'a qu'ils font, pour soi-disant garder la coopération entre vous. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de, da'wah, il n'y aura plus de clarification. Il n'y aura plus de clarification entre la vérité et le faux. Et ça, c'est très mauvais. Le Cheikh dit ensuite, Al-Khilafus Simatu Ahl al-Bida'. La divergence, c'est une des caractéristiques spécifiques c'est une des choses qui caractérise les gens de Bid'a. C'est une de leurs caractéristiques les plus particulières. D'accord? Par opposition aux gens de la Sunna, pour les gens de la Sunna, la divergence, c'est quelque chose, hein, qu'on retrouve pas chez eux, ou presque pas. Tandis que pour les gens de Bid'a, ça fait partie de leurs caractéristiques, des choses, parmi les choses qui les distinguent. Hein? Ils ont toujours de la divergence entre eux, et même que parmi eux, il y en a qui considèrent que la divergence c'est quelque chose de bien, et ils aiment la divergence, et ils appellent à la divergence. Comme si c'était quelque chose de glorifiable ou de louable. Hein? Tandis que les gens d'Ahl Sunnah, ils sont réunis. Et ça, c'est une de leurs caractéristiques. Ils s'unissent entre eux facilement, sans problème, sans difficulté. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. Le Cheikh dit, « قَالَ تَعَلَىٰ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا وَقَالَ الْبَغَوِي هُمْ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أهل الحق ليس فيهم اختلاف وقال الشاطبي الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. Le Cheikh, il mentionne un verset, qui est le verset 159, dans Surat Al-An'am. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont divisé leur, qui se sont divisés dans leur religion, et qui sont devenus des sectes, comme des sectes, des groupes, hein. Donc, le Cheikh, il mentionne le tafsir de ce verset. Donc, il commence en citant le tafsir de l'imam al-Baraoui. L'imam al-Baraoui, dans son livre Sharh Sunnah, le volume 1, à la page 210, il dit que les gens qui sont décrits dans ce verset-là, qui se divisent entre eux et qui font des sectes dans leur religion, ceux-là sont les gens de bid'a et de passion, les gens qui suivent la bid'a et les passions. Et il mentionne les paroles d'un des salafs, comme l'imam Abdullah ibn Mubarak, qui est un des contemporains de l'imam Malik, et un des grands savants de hadith, qu'on appelait Amir al-Mu'minin, fait le hadith, hein, un des imams parmi les imams des salafs. Il disait, les gens de la vérité, il n'y a pas de divergence entre eux. Hein, les gens de la vérité, il n'y a pas de divergence entre eux. Le point numéro, l'autre citation, قال الشاطبي الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. L'imam al-Shatibi, il dit que la divergence, et ça c'est cité dans le livre Al-I'tisam, il dit la divergence c'est une des caractéristiques, une des attributs les plus laides, hein, des Mubtadi'a. C'est une de leurs caractéristiques les plus mauvaises, les plus laides. Hein. Et il dit ensuite, « وقال شيخ الإسلام ibn Taymiyyah » L'imam ibn Taymiyyah a dit, « et la bid'a, elle est reliée à la divergence et à la division. La bid'a, elle est associée, hein, elle est indissociable de la divergence et de la division. Comme la sunna est indissociable de l'unité et de l'union et de la jama'a, rester ensemble. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on dit « Ahlu sunna wal jama'a » Hein, les gens de la sunna et de l'unité et de l'union et du regroupement, de la même façon qu'on dit ahlul bid'ati wal furqa, hein, de la même façon qu'on dit les gens de la bid'a et de la division, hein, parce que ça fait partie de leurs caractéristiques. Ensuite il mentionne les paroles de l'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajjah. Il dit dans ce livre, ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار سيكون كل وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وثيرة واحدة وخط واحد يجرون فيه على طريقة واحدة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ Le Cheikh il commence à expliquer les paroles de l'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani. Dans cette parole, il explique la description d'Ahl al-Sunnah et des gens du Hadith. Il dit parmi les choses qui prouvent que les gens du Hadith, Ahl al-Hadith, sont sur la vérité, c'est que si tu regardes leurs livres qu'ils ont écrits, du premier jusqu'au dernier, les anciens comme les nouveaux, avec les divergences qu'ils ont, par exemple, du fait qu'ils sont dans des pays différents, dans des époques différentes, hein, ils sont dans des époques différentes et dans des pays différents, peu importe la distance qui les sépare d'un pays à l'autre, tu vas trouver d'un pays ou d'une contrée à une autre, hein, tu vas trouver qu'ils sont tous pareils, tous sur une seule aqida. Dans leur description de l'aqida, ils n'ont qu'une seule description de l'aqida, une seule croyance. Hein? Et ils sont sur une ligne qui est une seule ligne unique, hein, et qui est la même. Et ils sont en train de suivre une voie qui est une voie unique aussi, la même. Et ils ne s'en détournent pas. Et ils ne penchent pas, ni à gauche ni à droite, par rapport à cette ligne. Leur parole au sujet de la croyance, elle est une seule parole. Et leurs citations, ce sont une seule et même citation. Ils ne sortent les choses que d'une seule source. Hein? Qur'an wa sunna et la voix des salaf salih. Et tu vois entre eux aucune divergence, aucune division dans quoi que ce soit, même si ce sont des petites choses. Hein? Et en réalité, si tu réunissais tout ce qui est sorti de par leur langue et tout ce qu'ils ont rapporté de leur salaf, tu trouverais, hein, que c'est comme si ça sortait d'un seul et d'un même cœur. D'un seul et même cœur. Hein? Et que c'était venu d'une seule et même langue. Et donc, est-ce qu'il y a une preuve plus claire pour clarifier que quelque chose est la vérité que ça? C'est-à-dire que ça, en soi, c'est une preuve déjà suffisante pour montrer que les gens qui suivent la voie de Ahlul Hadith et Ahlul Sunnah wal Jama'ah, ce sont les gens de la vérité. Cette description qu'on a fait à leur sujet-là, ça c'est assez clair pour montrer que c'est des gens qui sont sur la vérité. Tu vas voir des gens qui sont en Indonésie, qui sont salafis de l'Indonésie, tu vas voir des salafis qui sont au Sénégal, qui sont des salafis qui sont au Mexique, des salafis qui sont au Canada, qui sont en Angleterre, qui sont en Chine, qui sont au Japon. Tu vas leur demander l'aqida, ils vont te répondre la même chose au sujet de l'aqida. Comme si c'était une seule et même aqida, parce que c'est l'aqida des salafs qu'ils suivent. Et ça, c'est une preuve claire de la vérité. Hein? أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Le Cheikh il dit, mais si tu regardes par opposition à ce qu'on vient de décrire, si tu regardes maintenant les gens de Ahlul Ahwa wal Bida, les gens qui sont sur les passions, qui suivent leurs passions, et les Bida, tu vas voir à leur sujet qu'ils sont toujours divisés et qu'ils divergent toujours en sectes et en groupes, hein, et tu ne peux presque pas trouver deux d'entre eux qui sont sur une seule et même voie dans la croyance, hein. Tu ne vas pas trouver deux d'entre eux qui sont d'accord sur quelque chose. Chacun déclare l'autre de mubtadi', hein. L'un il déclare l'autre d'égaré, de mubtadi', et ils se déclarent koufar les uns les autres, hein. Le fils il déclare le père kafir, l'homme il déclare son frère kafir, et l'un il déclare son voisin kafir, un voisin il déclare son voisin kafir, parce que tu les vois toujours en train de disputer, de se disputer, de se détester. et de diverger. Et tu vois qu'ils passent leurs années ensemble de cette façon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits en parlant des juifs, mais ça, cette description-là s'applique à eux également. Parce que leurs paroles ne sont pas en accord les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 14, dans surat al-Hashr, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. Tu les vois unis, tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés, leurs cœurs sont séparés, sont déchirés les uns les autres. Ça c'est parce que ce sont un peuple qui ne réfléchissent pas, qui n'utilisent pas leur raison, ils ne raisonnent pas. Et ça, c'est la description de qu'est-ce que tu retrouves chez les musulmans aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre eux, qui ne connaissent pas la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui ne connaissent pas la voie des Salaf Salih, ou bien qui la connaissent mais qui l'opposent intentionnellement et avec connaissance. Eh bien, tu vois entre eux ce genre de divergence-là. Ils n'attendent que des événements qui se produisent dans la Umma ou une cause quelconque pour réunir les musulmans autour de cette cause. Et non pas autour des fondements et des principes de la religion. Donc quand il y a des événements en Palestine, ou quand il y a des événements quelque part dans le monde musulman, vous les entendez commencer à crier, commencer à dire il faut s'unir, il faut travailler ensemble, il faut donner de l'argent, il faut aider, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, tout d'un coup, ils travaillent, ils sont capables de s'unir. Aussitôt que la cause est terminée, aussitôt que la situation de difficulté s'est en allée, ils retournent dans leur égarement et dans leur division comme ils étaient auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas unis sur le haq, ils se sont unis sur une cause, ils se sont unis sur une question ou un problème qui s'était présenté, et du moment que ce problème est disparu, ils retournent à leur position et à leur situation précédente. Et ça, c'est triste et c'est dommage en réalité que ces gens-là soient de cette façon-là. Et justement, hier, j'étais dans la mosquée et pour le Jumu'ah, je suis allé pour le Jumu'ah, puis après la prière, étant donné que les prières sont collées une après l'autre. Donc, j'étais là en train d'attendre pour l'autre prière qui allait arriver dans 5 minutes. Et j'observais quelqu'un qui venait au micro pour parler, pour dire aux musulmans, il faut donner, il faut aider nos frères, si on fait pas ça, on n'est pas des musulmans, on fait pas partie de cette umma, il faut s'entraider et tout. Mais qu'est-ce qui était étonnant en fait, c'est que pendant que cette personne était en train de parler au micro pour dire aux musulmans qu'ils devaient s'aider, qu'ils devaient aider les musulmans qui ont des difficultés en Palestine, les autres musulmans dans la mosquée qui étaient en train d'écouter, en fait ils n'écoutaient presque pas, il n'y avait que quelques personnes qui écoutaient, le reste ils étaient tous occupés à converser entre eux et on n'entendait presque pas la personne qui parlait au micro. C'est pour dire que on est tous réunis ensemble dans un seul et même lieu, dans une seule et même place, sauf que c'est pas vrai qu'on est réunis, on n'est pas réunis. Parce que l'unité, ça ne veut pas dire juste d'être ensemble physiquement et d'être unis dans un même lieu, à un même moment. Ça, c'est pas être unis, parce que sinon, on peut s'unir comme ça dans le métro, dans l'autobus, quand on est dans une place publique, dehors, avec plein de koufars. Est-ce que ça veut dire qu'on est unis? Bien entendu, non. Puisque nos cœurs sont pas sous la même croyance, nos idées sont pas les mêmes, on n'a pas la même raison de vivre, la même façon de vivre non plus. Et donc nous les musulmans aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est rendus un peu comme ça. On se réunit dans la mosquée pour prier, mais en dehors de cette réunion là qu'on a pour faire la salat et établir la salat dans la mosquée, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui nous réunit. Si on commençait à discuter avec des gens comme ça dans la mosquée, au sujet de différentes, n'importe quelle petite chose, on se rendrait compte qu'on est presque divergent sur je pourrais pas dire un nombre spécifique ou précis, mais on est divergent sur beaucoup de choses. En partant et en commençant par les fondements de la religion. On s'entend pas sur les fondements de la religion. Chacun il a sa petite idée dans sa tête sur comment les choses doivent se faire, comment les choses doivent être. Chacun a sa philosophie, chacun a son idéologie, chacun a son shir, chacun a son manhaj. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit dans notre religion. Qu'on soit de cette façon-là, c'est interdit pour nous. On est supposé, nous les musulmans, être comme un seul cœur. Un seul cœur. Une seule aqida. Un seul manhaj. Un seul groupe. Une seule jama'a. Un seul hizb. Uni. Sur une même voie. Et ne pas se diverger. Ne pas se diviser. On n'a pas le droit de se diviser dans quoi que ce soit de la religion. Ça, c'est devenu quelque chose de normal. Et vous trouvez ça dans des forums. Maintenant, les gens, ils vont là-bas pour débattre de la religion. Et ils se disputent sur la religion. Ils parlent de la religion. Chacun a son opinion. Chacun a son point de vue. Ça, c'est haram de diverger comme ça, de diviser la religion de cette façon-là et de faire des disputes sur la religion. Les salafs, ils ont averti contre ça. Ils ont interdit ça. Ils ont dit ça fait partie des caractéristiques des gens de bid'ah qui débattent sur des questions de la religion qui sont claires. Ils disputent sur des questions de la religion qui sont déjà établies. Et donc ça, c'est quelque chose, on doit faire attention à ces choses-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne, maintenant qu'on a expliqué ça, que la bid'ah, ça fait partie des caractéristiques des, que la division, ça fait partie des caractéristiques des gens de bid'ah. Et que l'unité et l'union fait partie des caractéristiques des gens de la sunna. Maintenant qu'on a vu ça, ça veut dire que, on a compris ce principe-là. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que, bon, vous le voyez toujours, même quand vous allez, qu'est-ce que le cheikh Aboul Muzaffar a décrit? On le voit ça. Tu peux aller n'importe où dans le monde, tu vas venir au Canada, tu vas aller faire un voyage en Angleterre, en France, n'importe où. Tu vas rencontrer des musulmans, puis tu vas voir, si tu tombes sur un salafi, tu rencontres un salafi, c'est comme si la connexion est automatique. Du moment que tu écoutes la parole de cette personne, comment elle parle, comment elle s'habille, comment elle fonctionne, comment elle pense, tout de suite tu sais ce gars-là, ah, lui, je suis certain que c'est un salafi. Et puis tu l'écoutes parler après, il t'explique, et si tu lui poses quelques petites questions, très facilement tu peux savoir son manhaj, très très facilement. Donc c'est pour montrer que les gens qui suivent la voie des salafs, ils se reconnaissent entre eux facilement. Et tu sens entre eux cette unité-là et cette union-là, même s'ils ne se connaissent pas du tout. Et je me rappellerai toujours l'exemple d'un frère, une fois qu'il venait de la France, que j'ai rencontré ici à Montréal, comme ça. Il m'a vu, il m'a posé quelques petites questions. Tout de suite, j'ai su que c'était un salafi, il a su que j'étais salafi. Très facilement, alors qu'on s'était jamais vu auparavant. Un frère de Paris, en fait. Et on est devenus depuis ce temps des bons amis. Et chaque fois que je passe là-bas, maintenant quand je vais à Paris, je vais le visiter. Et puis, vraiment, mashallah, c'est pour dire comment on s'est rencontrés, c'est quelque chose d'étonnant. Quelqu'un n'aurait pas... C'est Allah qui a destiné ça. Mais c'est pour dire, quand on rencontre des gens qui sont sur le même manhaj, même aqida, même compréhension, ça, c'est clair, c'est facile par la suite. Mais lorsque tu rencontres des gens qui ont des idées bizarres, que ce soit des takfiris, que ce soit des djihadis, que ce soit des soufis, que ce soit des tablir, que ce soit des ahbash, que ce soit des n'importe quelle personne parmi les gens qui suivent des groupes de bid'ah et d'égarement, tu te sens pas bien avec eux parce que tout de suite tu vois qu'il y a quelque chose qui est pas normal, quelque chose qui est pas clair dans leur façon. Que ce soit des gens qui font partie des ahzab, des jama'at, comme les ikhwan, ou bien que ce soit des gens qui font partie des shi'a, que ce soit des gens qui font partie يعني العد والإحسان d'autres جماعات contemporaines. Tu sens quelque chose qui n'est pas clair. Ils ont peur, on dirait, de dire ouvertement tout ce qu'ils pensent. Et en fait, c'est une ruse qu'ils utilisent aussi, surtout pour attirer les gens. Ils ne parlent jamais de leur position par rapport aux divergences et aux groupes et aux différentes sectes. Ils ne parlent jamais de ces choses-là, justement, pour rester un peu dans l'ambiguïté. Et pour faire croire aux gens que eux ils sont neutres, ou bien qu'ils ont pas, ils sont, disons, un islam neutre, ils suivent aucune tendance, aucune voie précise. Mais ça, c'est pour cacher la réalité de ce qu'ils suivent, parce que petit à petit ils te montrent par la suite qu'ils sont dans telle ou telle organisation et qu'ils suivent telle ou telle chose. Mais ils vont pas le dire du premier coup, hein. Et ils vont éviter de parler des sujets, justement, qui peuvent faire comprendre aux gens qu'ils ont une position quelconque sur des questions de croyance et de principe. Mais par la suite, on le découvre. Tandis que les gens qui sont sur la voie des salafs, c'est clair, du premier coup, ils te montrent, ils te disent, et cache pas. On va pas faire de cachotterie entre nous comme, ah non, moi je n'ai pas de position là-dessus, ou non, je parle pas de ça, ou des trucs comme ça. Non. قال الله قال رسول الله le manhaj des salaf il est clair, hein, et on joue pas à cache-cache avec les gens, hein. Alhamdulillah. Donc on va lire maintenant le dernier point dans les paroles que le cheikh a mentionné. Il dit al khilaf afatu dhunub, c'est-à-dire que la divergence, quand elle se produit, c'est une conséquence souvent de nos péchés. C'est souvent, quand il y a des divergences entre nous, c'est des conséquences de nos péchés. Donc, le cheikh, il explique. Il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, كيف بك يا عبد الله, إذا كنت في حثالة من الناس, قد مرجت عهودهم وأماناتهم, واختلفوا فصاروا هكذا, وشبك بين أصابعهم. Il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Al-Bukhari ta'liqan wa majduman bihi dans Kitab al-Salah bab tashbik bayna al-asabi' fil masjid an Abdillah min hadith Abdillah ibn Umar wa rawahu, et il est rapporté aussi par Ibn Hibban selon Abi Huraira et selon Al-Ala ibn Abdurrahman selon son père aussi. Et donc, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Abdullah, il lui dit, que dirais-tu, ou qu'est-ce que tu constates au sujet du fait que, si par exemple, tu étais en présence des gens, qui sont tous des gens, comme un rebut de gens, et ils ne respectent pas leurs paroles, ils ne respectent pas leurs ententes, hein, ils ne respectent pas leurs engagements, puis ils divergent entre eux, puis après ils deviennent comme ça, et il a réuni ses doigts entre eux, hein, il a entrelacé ses doigts, et pour dire, ils étaient comme ça avant, puis voici comment ils sont devenus. Ensuite il dit, وَعَنْ أَنَسْ مَرْفُوعًا مَا تَوَادَّثْنَيْنِ فِي اللَّهِ ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يَحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, et l'imam Al-Albani, il l'a authentifié dans Al-Silsila Al-Sahiha, le hadith 637. Qu'est-ce qu'il dit, ce hadith qui est rapporté selon Anas? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas deux personnes qui s'aiment en Allah, excepté que s'ils se divisent, c'est à cause d'un péché que l'un des deux a fait. Hein? Si deux personnes s'aiment en Allah, ils ne seront pas divisés. Et ils vont être, par la suite, s'ils se divisent, s'il y a une division entre les deux, ça n'arrive excepté que parce que l'un de ces deux-là a fait un péché. Donc, ça c'est une des conséquences des péchés, c'est que ça amène la division. Imaginez des gens qui s'unissent dans le péché, et qui sont d'accord entre eux, pour faire des péchés. Dans les groupes de bid'ah, hein, ils se rasent la barbe, hein, puis ça dérange pas, puis ils sont d'accord là-dessus entre eux, et puis ils contredisent la sunna comme si c'était rien, hein, et puis ils restent ensemble dans cette union qui est basée sur le péché. Et ça, c'est une des caractéristiques qui amène la division par la suite. رواه الطبري il y a un autre hadith qui est rapporté selon Qatada, une parole de Qatada qui est rapportée par al-Tabari dans Jami' al-Bayan, et ça dit أهل رحمة الله أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. Ah, mashallah, ça c'est une très belle parole de Qatada, qui est parmi les tabi'in. Qatada, il dit, les gens de la miséricorde d'Allah, c'est les gens de la jama'a, c'est les gens qui sont unis, qui sont réunis ensemble. Même si leurs maisons sont séparées, même si leur demeure est séparée, même si leurs corps sont séparés, c'est-à-dire même s'ils sont dispersés, hein, leur maison et leur physique, physiquement ils ne sont pas réunis, mais ils sont quand même unis. Hein? Quand on parle d'être unis, là, quand on parle de s'unir, les musulmans, on ne parle pas uniquement de s'unir dans notre physiquement dans un endroit spécifique ou à une époque spécifique, mais on parle fondamentalement de s'unir sur la vérité et d'être d'accord sur les fondements et les principes ensemble. Dans ce cas-là, même si on n'est pas ensemble, même si on habite à des endroits différents, dans des pays différents, mais on est unis quand même. Hein? Et c'est comme une fois un frère qui m'appelait, qui me demandait une question à ce sujet-là. Il me dit qu'il avait un conflit avec un frère. Puis à cause de ça, il se parlait pas. Mais le conflit qu'il avait, c'est un conflit pour des choses de la dunya. Alors quand on a un conflit sur des choses de la dunya, on n'appelle pas ça de la division. On n'appelle pas ça de la division. On appelle uniquement la division quand c'est quelque chose qui est basé sur les croyances et sur la religion. Quand on se divise dans la religion, là oui, c'est une division, parce que ça amène au fait que les gens vont se détester, vont se renier, vont s'écarter les uns des autres. Mais quand c'est une divergence pour des choses de la dunya, pour des biens matériels ou des choses comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous écarter les uns des autres plus que 3 jours. Après 3 jours, c'est le meilleur d'entre les deux qui va faire le premier pas vers l'autre. Mais dans la religion, ça peut dépasser 3 jours, ça peut même aller à 4 mois, ou même plus que ça, il n'y a pas de limite, jusqu'à ce que la personne revienne de son erreur ou de sa contradiction de la religion. Donc ça, c'est un exemple pour faire comprendre que, comme le dit le Qatada, ici, qui est un des tabi'in, il dit, les gens de la miséricorde d'Allah, ce sont ceux qui sont réunis. Même s'ils sont ils habitent à des endroits différents, ils ont des maisons qui sont séparées, et même s'ils sont séparés physiquement, mais ils sont unis. Tandis que les gens du péché sont les gens de la division. Même s'ils sont réunis, ils habitent au même endroit, et même s'ils sont physiquement réunis également, qu'ils sont au même lieu. Hein? Ils sont divisés, même s'ils sont ensemble, dans une même salle, dans une même maison, dans une même mosquée, ils sont divisés. Et c'est ça la différence entre une mosquée des gens qui sont sur la sunna et une mosquée des gens qui sont sur autre que la sunna. Parce que les gens qui sont sur la sunna, même s'ils prient dans des mosquées différentes, ils sont réunis. Tandis que les gens de la bid'ah, quand ils prient dans la même mosquée, ils sont tous séparés. Chacun a sa propre idée dans sa tête. Et quand tu vois les musulmans qui sont dans cette situation-là, ça veut dire qu'on est malade. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et les gens divergent entre eux. Pour rien. Donc, ça c'est la description qui est une description très importante à comprendre, parce que c'est qu'est-ce qui nous fait comprendre le danger de ces groupes de Hizbiyah qui veulent juste réunir les gens ensemble sans les réunir sur une croyance unique et sur un manhaj unique. Ensuite, le Cheikh il dit, wa qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi athari dhunubi fi l'ikhtilaf, dans Majmu' al-Fatawa, le volume 41, il maintenant le Fatawa, le volume 41, ça doit être la nouvelle édition parce que l'ancienne elle a juste 37 volumes. En tout cas, il dit au sujet des effets de, des péchés dans la divergence, comment la, la, les effets, les péchés ont de l'effet sur la divergence, il dit وَلِهَذَا كَانُوا يعني الصحابة في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا على عهد أبي بكر خيرا مما كانوا على عهد عمر فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعد من بعدهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم كمنعهم من متعة الحج وإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة وتغليظ عقوبة الخمر وكان أطوعهم لله وأزهدهم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها حتى تنازعوا فيها وهم مؤتلفون متحابون كل منهم يقر الآخر على اجتهاده فلما كان في آخر خلافة عثمان زاد التغير والتوسع في الدنيا وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان فصاروا في فتنة عظيمة قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط بل تصيب الساكت عن نهيه عن الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم بعقاب منه أن يعمهم الله بعقاب منه. Donc le cheikh il explique maintenant les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Et en fait, il explique comment, comment plus les gens se sont éloignés de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus les gens ont commencé à faire des péchés, plus on a vu apparaître des divergences. Et donc il donne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba, comment ils étaient sur Al-Hanifiyya, Al-Samha, ils étaient sur la religion pure, du monothéisme pur d'Abraham, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque-là, ils étaient plus attachés à cet islam. Puis ensuite, ils étaient à l'époque de Abu Bakr, ils étaient encore une fois sur cette voie-là, et ils étaient mieux dans leur pratique et dans leur foi qu'à l'époque de Omar. Puis vers l'époque de Omar, par la suite, il a commencé à, on a vu apparaître certains péchés, hein, qui a fait en sorte que Omar a dû faire certaines ijtihad pour, disons, comme pour punir en fait certaines personnes qui avaient exagéré dans certaines actions qu'ils faisaient, et donc pour empêcher certaines transgressions qu'ils avaient faites. Il a dû faire certaines ijtihad pour leur empêcher ou leur interdire des choses qui leur étaient parfois permises à la base, justement parce qu'ils avaient exagéré dans la permissibilité de ces choses-là, ils avaient transgressé d'une certaine façon. Alors, pour éviter et pour leur fermer la porte à ces exemples de transgression-là, eh ben, le khalifa Omar ibn Khattab leur a fait quelques formes d'ijtihad pour justement leur fermer certaines portes qu'ils avaient ouvertes parce qu'ils avaient exagéré. Comme par exemple le hajj mut'a, le hajj tamattu, qui était quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ses compagnons à l'époque. Eh bien Omar, radiallahu anhu, lui il leur avait empêché de le faire. Ou bien iqa' al-thalath idha qaluha, quand il y avait un divorce par exemple, lorsqu'il prononçait le mot du divorce, yani s'il le prononçait une fois en une fois, s'il le prononçait trois fois en une fois, au lieu de le compter pour une seule fois, il le comptait pour trois fois. Donc, si j'ai bien compris, je pense que c'est l'exemple qu'il donne à ce sujet-là. Puis aussi, il parlait de comment il avait endurci ou augmenté la peine pour les gens qui buvaient de l'alcool. Hein? Elle avait été augmentée à l'époque de Omar, radiallahu anhu. Donc ça, c'est pour montrer que, étant donné que les gens avaient fait des péchés, il a dû faire ce genre d'ijtihad pour arriver à faire que les gens reviennent sur la droiture et qu'ils cessent de transgresser. Puis, même les plus grands, les plus pieux qui étaient à l'époque, hein, du prophète, à l'époque de Omar, comme Abu Ubaida ibn Jarrah, hein, Omar écoutait ses conseils et ses indications. Et donc c'est pour dire que il y avait un respect entre les hommes. Hein, les hommes se respectaient entre eux. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que certaines questions et certains aspects de la religion ont été cachés de certains d'entre eux. Puis, par la suite, donc, ça veut dire certains ignoraient certaines questions, mais il y avait toujours d'autres personnes pour les clarifier, pour les expliquer. Donc, ils ont eu des divergences, peut-être, sur certaines questions de fiqh ou de questions qui avaient rapport aussi à l'héritage, des choses comme ça. Ils n'étaient pas d'accord sur certaines questions, mais quand même, ils continuaient toujours à être unis et à s'aimer entre eux. Et chacun respectait l'ijtihad de l'autre. Mais après, il y a eu, vers la fin de l'époque d'Othman, les choses ont commencé à changer encore plus. Et les gens se sont élargis encore plus dans la dunya. Et il y a eu certaines actions qui se sont produites qui n'existaient pas à l'époque de Omar. Et donc, il y a eu quelques distances entre les cœurs. Les cœurs commençaient à s'enfuir les uns des autres. Et jusqu'à ce que Othman radiallahu anhu soit tué par un groupe parmi les Khawarij, et donc il y a eu une grande fitna par la suite. Et le cheikh il mentionne le verset 52 dans Surat Al-Anfal qui dit: et craignez la fitna, que lorsqu'elle va tomber, elle ne va pas uniquement atteindre les injustes parmi vous. C'est-à-dire que cette fitna, elle ne va pas tomber uniquement sur les injustes, mais elle va frapper tous ceux qui s'étaient tus et qui n'avaient pas parlé contre cette injustice et qui n'avaient pas interdit l'injustice. Donc, c'est pas suffisant comme si tu vois de l'injustice. Puis, tu dis, ah ben moi je m'en mêle pas. Tu penses que parce que toi tu fais pas l'injustice, que c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant de ne pas faire l'injustice. Il faut, quand tu vois l'injustice, que tu la dénonces et que tu la critiques et que tu dises, ça c'est incorrect. Bien entendu, selon les règles et les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et si tu crois que le fait d'interdire une injustice peut amener plus de mal et plus d'injustice, dans ce cas-là, tu te retiens. Hein? Tu te retiens. Et il faut avoir la science et il faut savoir comment le faire. Hein? Donc ça, c'est, on l'a déjà expliqué ailleurs, dans d'autres moments. Ensuite, le cheikh il dit: وَقَالَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens voient un munkar et qu'ils ne le changent pas, ils risquent que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse tomber un châtiment sur eux tous, hein, qui va être général sur eux, sur chacun d'entre eux. Même si eux-mêmes ne faisaient pas ce péché-là, ils risquent d'être frappés par ce châtiment-là eux aussi, parce qu'ils n'avaient pas dénoncé ce péché-là. Et ça, c'est authentifié par Al-Albani dans Silsilat al-Hadith al-Sahihah, le hadith 1564. Ensuite, le shaykh dit: صار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات وصاروا يختصمون في متعة الحج ونحوها مما لم تكن في خصومة على عهد عمر. فطائفة تمنع المتعة مطلقا كابن الزبير، وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من تمتع، وطائفة أخرى توجب المتعة، وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول بل خفي عليهم العلم وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت ولعل ذلك أن يكون خيرا لكم وهذا كلامه في القرون المفضلة فكيف بزماننا هذا. Donc le cheikh il dit ici, ensuite après l'époque de après la fitna de Othman, le cheikh il dit, puis par la suite il y a eu le meurtre de Othman, ça a été la cause ou une des causes qui a fait que ils ont été privés de beaucoup de bonnes choses. Et ils ont commencé à se disputer sur plein de choses par la suite. Vous avez vu qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné le hajj tamattu. Puis par la suite, Omar, parce que des gens avaient transgressé les limites, Omar, il leur avait empêché de le faire. Après la fitna de Othman, les gens ont commencé à se diverger et à se disputer. Hein? Par la suite, au sujet du hajj. Tamattu. Il y en a un des groupes qui interdisait complètement de le faire, comme Ibn Zubayr. Et il y a un autre groupe qui ordonnait de le faire. Hein? Donc les gens commençaient même à punir ceux qui faisaient Hajj Tamattu. Et il y a un autre groupe qui ordonnait aux gens de faire Hajj Tamattu. Et chacun d'entre eux le faisait dans l'intention de suivre qu'est-ce qu'ils croyaient être la vérité. Et aucun d'entre eux n'avait l'intention de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de s'opposer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la science leur avait été cachée au sujet de ces différentes questions-là. Certains d'entre eux ignoraient les preuves. Hein, certains parmi les sahaba ignoraient les preuves rapportées au sujet de cette question-là. Et donc au lieu de ramener les choses aux preuves, ils se disputaient ou ils ont divergé entre eux sur ces sujets-là. Et ça, c'est arrivé uniquement à cause des péchés. Comme l'exemple que le cheikh a mentionné, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté dans un hadith selon Ubadat ibn Samit, qui est rapporté par Al-Bukhari, il est sorti un jour et il voulait informer les gens au sujet de Laylatul Qadr. Mais quand il est sorti, il a entendu les gens qui commençaient à s'élever la voix puis à se disputer entre eux. Alors, il est venu, les gens, il est venu voir les gens, il leur a dit, j'étais sorti pour venir vous dire quelle était la nuit de Laylatul Qadr. Mais quand les gens se sont disputés entre eux et commençaient à s'élever la voix les uns contre les autres, cette information-là, elle a été retirée. C'est-à-dire, elle a été enlevée. Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé cette information-là. Et donc, il n'a pas pu informer les sahaba de cette information à cause de ces disputes-là que les gens étaient en train de faire. Et donc, ça, c'est un exemple pour dire que de disputer dans les questions de la religion ou de se disputer entre nous, ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptées dans l'islam. C'est pas permis. Et tandis qu'aujourd'hui, chacun pense qu'il a le droit à son opinion personnelle, puis on a la liberté de penser, liberté d'opinion. Hein. Vous voyez comment ces idées-là viennent en opposition totale avec l'islam, du fait que nous, on n'a pas le droit d'avoir une liberté d'opinion, mais on a le droit d'avoir la liberté de suivre la vérité. Et c'est tout, de suivre qu'est-ce qui vient d'Allah et de son messager, puisque c'est la vérité. Mais si chacun pense qu'il a la vérité de suivre son opinion à lui et qu'il considère que la religion est une opinion parmi les autres et que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset dans le Coran est une opinion parmi les autres et qu'il peut choisir ou rejeter ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas de ses opinions ou de ses paroles ou de ces choses-là, alors là, dans ce cas-là, bien entendu, on voit tout de suite que c'est grave. Et donc, le cheikh il dit, regardez les paroles donc de Ibn Taymiyyah, comment il décrit qu'est-ce qui s'est passé dans les trois meilleurs siècles. Si c'était des choses comme ça qui se sont passées dans les trois meilleurs siècles, alors imaginez à notre époque aujourd'hui, nous, les musulmans d'aujourd'hui, les problèmes qu'on doit avoir à cause de nos péchés sont encore pires. Parce que ces trois premiers siècles-là, ce sont les meilleurs siècles. Hein? Et donc, il y a plusieurs points à mentionner à ce sujet-là. Comme par exemple le fait qu'il y a eu certaines divergences entre les Sahaba au sujet de certaines questions dans le fiqh. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ces divergences-là. Ils se disent, mais comment ça se fait que nous, on dit qu'on suit les salafs et que les salafs eux-mêmes, ils ont eu des différences sur certaines questions ou ils ont divergé dans certaines questions. Comme le cheikh, il l'a expliqué ici, Ibn Taymiyyah, il a dit, bal khafiya alayhim al-ilm. C'est-à-dire, dans certaines questions, certains sahaba n'avaient pas reçu la connaissance ou le hadith. Et donc, ce sahabi, par exemple, probablement qu'il jugeait selon sa propre analogie ou son ijtihad ou son effort personnel pour comprendre la vérité. Mais s'il avait reçu le hadith, il aurait jugé différemment, il aurait accepté la preuve et le hadith. Parce que le mujtahid, il juge selon ce qu'il croit être la vérité et il cherche à atteindre uniquement la vérité avec la connaissance qu'il possède, avec les informations qu'il détient. Mais s'il n'a pas l'information et s'il n'a pas la connaissance de ce hadith ou de tel ou tel hadith, alors dans ce cas-là, c'est normal qu'il va faire une ijtihad, mais qu'elle va être fausse ou qu'elle va être incorrecte. Et celui qui a le hadith authentique, lui, il va faire une ijtihad qui va être correcte. Ou même parfois le savant de l'islam, il va faire une ijtihad et il a le hadith en question, le même hadith que l'autre savant, mais lui, il a reçu ce hadith par une chaîne de narrateurs qui n'est pas authentique, alors que c'est le même hadith, mais l'autre savant, il a reçu ce hadith là par une chaîne authentique. Et donc, il a jugé selon ce hadith. Tandis que l'autre, il a dit, non, moi, je n'accepte pas ce hadith parce qu'il n'est pas authentique. Mais il ignorait l'autre chaîne de narrateurs qui était authentique. Et donc, lui, il a jugé selon ce qu'il connaissait, ce qu'il possédait de science. Mais s'il avait reçu ce hadith authentique, il l'aurait accepté lui aussi. Et donc ça a été parmi les causes de la divergence entre certains savants et même entre certains parmi les sahaba, comme Ibn Taymiyyah il l'a mentionné dans certains de ses livres. Il a parlé de certaines divergences qui sont arrivées entre les sahaba. Ça, c'est pas des divergences qui sont comparables aux divergences qui se produisent entre les gens qui suivent des jama'ats et des groupes et des sectes aujourd'hui. Parce que si tu vas voir les gens qui suivent ces jama'ats et ces groupes et ces sectes aujourd'hui et que tu leur donnes la connaissance des hadiths qu'ils ont négligés ou qu'ils n'ont pas connus ou qu'ils n'ont pas suivis, ils ne vont pas revenir aux hadiths. Ils vont continuer à suivre leur méthodologie et leur manhaj, même si tu leur ramènes les preuves qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils ne suivent pas la vérité, ils suivent leur passion. Et c'est ça la différence. Tandis que les sahaba, quand ils divergeaient entre eux sur certaines questions, ils divergeaient parce qu'ils n'avaient pas reçu une connaissance ou bien parce qu'ils ne l'avaient pas reçu comme il faut, et lorsqu'on leur présentait la preuve, automatiquement la divergence était terminée et ils revenaient à la vérité, ils l'acceptaient et ils la suivaient, hein? Et donc ça, c'est la différence entre les gens de Ahl Sunnah lorsqu'ils divergent et qu'on leur clarifie la question, ils acceptent la vérité et ils reviennent. Tandis que les gens de Bid'a et les gens de passion, quand ils divergent entre eux, si on leur ramène les preuves et les clarifications, ils persistent dans leur passion et dans leur égarement et dans leurs aveuglements, et ils refusent de venir et de suivre la vérité. Et donc, on a vu des exemples, comment, à cause des péchés de certains parmi les musulmans, il y a eu des châtiments qui sont tombés sur la Umma à cause de ça. Donc imaginez aujourd'hui, à notre époque, quand on a des divergences et des désobéissances de la part de nous les musulmans, qu'on fait des péchés, qu'on fait des divergences, on désobéit à nos dirigeants, on ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on contredit la voie des salafs, et on fait toutes sortes de contradictions avec le Coran et la Sunna. Puis par la suite, on se demande comment ça se fait qu'on a des châtiments, comment ça se fait qu'on a des problèmes, comment ça se fait qu'on a des divergences entre nous. Mais c'est normal. Hein? Regardez tout ce qui s'est passé, par exemple, dans la Umma dernière, dans les 15 dernières années ou les 20 dernières années. À chaque fois qu'il y a des malheurs dans la Umma qui se produisent, c'est toujours relié à des péchés ou à des contradictions de la Sunna. Mais ces gens-là qui suivent la bid'a, ils refusent de l'accepter. Chaque fois qu'il y a des problèmes. Et la question de la Palestine, c'est la même chose. Si les gens revenaient au Coran et à la Sunna et commençaient à obéir aux dirigeants et respecter les principes de la Sunna et de l'Islam, ce problème-là serait réglé depuis longtemps. En fait, même, ce problème-là ne serait même pas là. Mais il est là parce que c'est à cause de nos péchés. Hein? L'État d'Israël est là en Israël aujourd'hui, c'est à cause de nos péchés. Donc dites-vous que c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour régler ce problème, il faut se repentir et il faut revenir au Coran et à la Sunna et à la voie des salafs salih. Si les gens persistent à vouloir réparer les bid'a par des bid'a, les péchés par des péchés, les erreurs par des erreurs, ça va continuer. Et ça ne va pas continuer seulement, ça va devenir pire. Non, et puis les gens s'entêtent, ils persistent dans leur arrogance et dans leur orgueil à vouloir dire oui, on est sur la vérité, malgré qu'ils voient depuis combien d'années que ça ne marche pas, qu'ils échouent et que leurs échecs ne font que s'accumuler les unes après les autres. Échec après échec après échec après échec après échec. Malgré ça, ils ne veulent pas comprendre. Hein? C'est comme des ânes. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils foncent dans un mur et ils se frappent la tête à chaque fois dedans. Malgré tout, ils veulent pas reconnaître qu'ils sont en train de se frapper la tête. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cette raison-là qu'on doit comprendre comme il faut cette religion pour bien la suivre comme il faut et pour éviter tout ce qui s'est passé. Regardez les transgressions et les exagérations qui ont été faites de la part de certains groupes islamistes dans certains pays musulmans. Juste pour mentionner par exemple qu'est-ce qui s'est passé par exemple en Algérie, lorsque des musulmans ont voulu contredire la voie des salafs salih et rentrer dans les élections et dans la démocratie pour essayer d'établir un état islamique. Et par la suite, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence que les koufars ont utilisé ça contre les musulmans? Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Au lieu de revenir et de se repentir et de dire ça y est, on a fait une erreur, on revient. Non, ils ont augmenté leur transgression. Et ils ont dit on va faire le djihad et on va tuer tout le monde. On va tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ils ont commencé à égorger, à égorger, à égorger, à égorger. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Est-ce qu'ils ont établi un État islamique aujourd'hui? Encore moins. Et aujourd'hui, des gens, on retrouve beaucoup de gens qui, non seulement ils ne veulent rien savoir de la Sunna, mais ils ne veulent rien savoir même de, soi-disant, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant l'Islam, parce qu'ils n'ont pas connu l'Islam. On leur a présenté une mauvaise image de l'Islam et ils ont été dégoûtés de cette image. À cause de ça, ils ont délaissé la pratique de la religion musulmane. Et maintenant, certains d'entre eux, si tu vas leur parler de la religion, ils sont tellement traumatisés que juste à entendre parler, à voir quelqu'un qui a une barbe, qui porte un qamis, tout de suite, ils se sentent en la présence de personnes qui suivent la sunna, ils se sentent mal. Donc ça, c'est des conséquences de toutes nos erreurs, de toutes nos conséquences, de toutes nos péchés. Hein. Des gens qui voient, par exemple, qu'il y a des erreurs qui se font, ils vont faire des manifestations. On leur dit, écoutez, les ulama, ils ont parlé, ils ont dit de ne pas faire des manifestations, c'est contraire à la sunna. Ils n'entendent rien, ils ne veulent rien entendre. On va faire les manifestations, c'est pas grave. A'ouzou billah. Donc c'est des transgressions comme ça, les gens ils pensent pas que c'est des péchés, mais ce sont des péchés. Hein? Et à cause de ce genre de péchés, regardez la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens qui avaient les flèches et les arcs, il les avait placés sur la petite montagne, hein, la petite colline. Il leur a dit, restez là, ne bougez pas. qu'on, peu importe si on gagne ou si on perd, ne bougez pas de là, restez à cet endroit-là et attendez notre indication. Ne bougez pas. Quand ils ont vu que les musulmans commençaient à ramasser les butins, ils ont dit, ça y est, la bataille est finie. Hein? Ils ont dit, la bataille est finie, on peut aller ramasser les butins avec les autres. Hein? Je pense que c'est Abdullah ibn Zubayr qui était là, ou bien Zubayr ibn Abdullah. Il a dit, restez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de rester ici, il ne faut pas bouger. Les autres, ils n'ont pas voulu écouter, ils sont descendus. Qu'est-ce qui est arrivé? Les mouchriquins en ont profité, ils sont revenus, la bataille est reprise de nouveau, et les musulmans ont eu leur première défaite. À cause d'un péché, d'une désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, obéissez à vos dirigeants dans le bien. Sauf s'ils vous ordonnent de faire un péché, vous obéissez pas. Mais dans le bien, vous devez les obéir. Est-ce que les musulmans aujourd'hui obéissent à leurs dirigeants dans le bien? Hein? Est-ce que les musulmans suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunnah? Non. Ils ne font que désobéir. Illa ma rahim Allah. Et donc, on va donc s'arrêter ici. Inch'Allah. Le cheikh, c'est pour ça qu'il dit, lui, le cheikh, il dit, si vous regardez qu'est-ce que le cheikh, il dit à propos de ces siècles-là, à l'époque des sahaba, hein, des meilleurs siècles, et qu'est-ce qu'on pourrait dire de notre époque à nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous ai donné des exemples de qu'est-ce qui se passe à notre époque aujourd'hui, pour vous faire voir que tout ce qui se passe là dans la Ummah, c'est des contradictions à l'islam. Et tout ça, maintenant, c'est utilisé par les kuffars pour combattre l'islam. Parce que les kuffars, ils voient les transgressions des khawarij, ils voient les transgressions des takfiriyin, ils voient les transgressions des hizbiyin. Et ils mettent tous ces gens-là dans le même paquet et ils disent, regardez l'islam, qu'est-ce que l'islam fait? L'islam appelle au meurtre, l'islam appelle à ci, l'islam appelle à ça, alors que c'est des mensonges. Ça, c'est des fausses accusations, mais on fait des amalgames. Et on fait on met les gens ensemble de façon malhonnête et injuste parce qu'ils savent la vérité, ils savent que c'est pas ça l'islam, mais ils en profitent quand même pour induire les gens en erreur, pour faire en sorte que tout le monde déteste les musulmans sur la terre. Pour faire en sorte que les gens haïssent les musulmans et l'islam. Même s'il faut mentir pour y arriver, c'est pas grave pour eux. Ils vont mentir même s'il faut. Parce que le but, l'important pour eux, c'est quoi? C'est que les gens détestent l'islam et haïssent les musulmans. Et malgré leur propagande, de plus en plus de gens se convertissent à l'islam et eux, ils deviennent fous. Ils ne savent plus quoi faire. Hein? Et quand ils entendent des gens comme des convertis qui commencent à enseigner l'islam et dire qu'est-ce que Allah et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, c'est encore plus, ils deviennent encore plus fous. Ils ne savent plus quoi faire. Il s'arrache les cheveux et il se mord les doigts, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Hein? Il se mord les doigts de rage. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit après, qul mutu bi ghayzikum. Dis-leur, mourrez de votre rage. Hein? Parce que vous ne pouvez pas arrêter la vérité. Hein? Donc c'est pour dire, tout ça c'est pour vous faire comprendre que il faut cesser ces transgressions et ces exagérations et ces désobéissances-là. Maintenant, ces gens de bid'ah sont en train de causer du tort à l'islam et aux musulmans. Et donc, c'est pour ça que l'importance, c'est pour nous qui avons compris la voie des salaf salih et la da'wah salafiyya, de bien la connaître, de bien l'étudier, de bien la comprendre et de bien la transmettre avec connaissance et compréhension et sagesse. Hein? Et s'écarter des actions et des activités de ces gens qui appellent à l'égarement et à la contradiction de la sunna. Donc nous on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui et on continuera ce cours demain inshallah à la même heure bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.